Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur la radio que je viens de nommer à l'instant. Et je suis tellement contente de reprendre les directs. En effet, j'ai eu une grosse absence et maintenant je peux vous dire pourquoi. Hein. J'étais partie en vacances à l'autre bout du monde, j'étais partie en vacances à Tokyo. Et ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, j'ai vécu tellement de choses que j'en ferai une émission. Donc au moins ça c'est annoncé, donc en temps voulu vous saurez les choses que je vous aurai ramenées du Japon. Et s'il y a une autre chose que j'ai à annoncer rapidement avant d'annoncer mon invité, c'est que nous faisons samedi prochain, le 6 octobre, une porte ouverte de 10h à peu près 20h. Voilà, il y a un événement qui est créé sur Facebook, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations nécessaires. Enfin bref, comme ça, j'ai donné les informations que j'avais besoin de donner. Et ça y est, comme je l'avais dit sur la page Facebook, on va parler d'un événement imminent qui a lieu ce week-end aux alentours de Wesserlin. Hein. Après tout, Radio Guémouzo aime bien Wesserlin. Et cette fois, c'est pour la fête du livre hein, qui a lieu le dimanche 30 septembre. À la médiathèque de Wesserlin plus précisément, et pour ça j'ai Mathieu à l'antenne avec moi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Lou. Alors dis-moi, il me semble que c'est la première fois que la médiathèque de Wesserlin intervient chez nous. Oui, tout à fait, effectivement. Là, c'est la première année que ça se passe et ben, je suis ravie d'être ici dans les locaux. Bah, je suis très très contente que tu sois aussi ici avec nous. Et toi, au sein de la médiathèque, vu que la médiathèque, c'est un petit peu une fourmilière de la culture, ça on le sait pour les différentes médiathèques avec lesquelles on collabore. D'ailleurs, je leur passe un petit bonjour à toutes. Dis-moi, toi, au sein de la médiathèque de Wesserlin, qui d'ailleurs a un nom assez précis, l'étoffe des mots, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est la médiathèque, l'étoffe des mots, ouais, en référence justement au passé textile qu'il y a dans la vallée de Saint-Amarin, justement. Donc il y a le clin d'œil est entièrement réfléchi et volontaire. Hein. Vu qu'en effet, si je ne m'abuse, hein, la médiathèque se trouve en effet à proximité du parc de Wesserlin, de l'écomusée textile. On en parlera dans quelques instants de la situation et tout ce qui va avec. Mais dis-moi, toi, au sein de la médiathèque de l'étoffe des mots, quel joli nom, quel est ton travail? Alors en fait, moi je ne suis pas responsable de la médiathèque, mais en revanche, moi je m'occupe du secteur audiovisuel. Donc je suis dans cette structure maintenant depuis à peu près 3 ans, et je m'occupe donc du secteur audiovisuel, donc musique, cinéma, mais également des bandes dessinées adultes et jeunesse. Et je suis aussi un petit peu responsable, enfin je coordonne tout ce qui est numérique, hein, l'installation des tablettes, des liseuses, etc. Donc on essaie d'être assez polyvalent, parce qu'on est quand même une petite équipe, mais voilà mes tâches, on va dire, particulières. Et oui, tes tâches au sein de la médiathèque de l'étoffe des mots à Wesserlin. Et comme je le disais, à Wesserlin, on a dit qu'elle se trouve vraiment à proximité du parc. En effet, elle se trouve où exactement? Alors en fait, elle se situe effectivement dans le parc de Wesserlin, mais plus précisément, parce que bon, le parc de Wesserlin, c'est un ensemble qui est quand même assez vaste. Hein. Il y a les jardins, il y a, comme tu as dit tout à l'heure, l'écomusée textile. Il y a quand même pas mal d'endroits différents. Il y a aussi un théâtre également. également. Donc nous, on est vraiment à proximité des jardins dans un bâtiment particulier qui s'appelle le Pavillon des Créateurs. Donc en fait, c'est un grand bâtiment qui rassemble plusieurs boutiques. Il y a par exemple une boutique de bijoux, un chocolatier, une boutique de vêtements également. Et nous, on occupe effectivement la majeure partie d'espace dans ce bâtiment. Et ça fait longtemps que vous êtes dans le Pavillon des Créateurs ? Alors, on a fêté les 5 ans d'ouverture de la médiathèque. Donc ça fait maintenant, c'est quand même assez récent. Hein, c'est une médiathèque qui se veut tout à fait récente. Hein. Même si le pavillon est, lui, beaucoup plus ancien, bien sûr. Hein. Parce qu'avant, il y avait quand même une médiathèque sur la Comcom de Saint-Amarin. Non, effectivement, non, il n'y en avait pas. En fait, il y avait quand même une petite bibliothèque à Moche, hein, qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui est tenue par des bénévoles. Mais sinon, après, il n'y avait pas vraiment de médiathèque. On va dire au sens strict hein, du terme. Donc après pour les gens il fallait aller du côté de Tannes et de Cernay hein. Donc c'est vrai que notre présence et notre implantation sur le territoire, bon, elle était quand même indispensable pour toutes les personnes qui sont dans la vallée, puisque je tiens quand même à préciser qu'on dessert à peu près 13 000 habitants. On est en communauté de communes, donc certes il y a pas mal de petits villages, mais si on rassemble tout le monde, ça fait quand même du monde. Et voilà, il faut compter à peu près 13 000 personnes hein. Et alors certes on a aussi la présence de la médiathèque départementale qui intervient justement sur le territoire pour faire des desserts avec le bibliobus hein. Donc on est d'ailleurs, l'Alsace est encore l'une des rares régions en France où il y a ce système de bibliobus, c'est-à-dire un bus qui vadrouille justement pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc c'est du coup la médiathèque qui se déplace pour ces personnes et elles peuvent emprunter directement dans le bus des livres, etc. Mais sinon, mis à part ça, effectivement on devait quand même répondre à un besoin particulier et à une attente, effectivement. Oui, et j'imagine que cette attente, a abouti, hein, que j'imagine que cette médiathèque est pas mal fréquentée, qu'elle travaille avec plusieurs structures du secteur. Hein. Exactement. Donc, au niveau fréquentation, on constate quand même une augmentation en termes d'abonnés. Hein. Donc là, actuellement, on en est à peu près à 1500, 1600 abonnés. Ensuite, après, on tient encore à se faire connaître. Hein. Il y a beaucoup de gens qui découvrent notre structure et forcément, on est là que depuis 5 ans, donc ce n'est pas non plus si énorme. On essaie quand même d'établir des partenariats aussi avec les jardins, également avec d'autres structures environnantes, tout simplement les médiathèques qui sont les plus proches de nous, hein, les médiathèques de Tannes-Cernay. On essaie parfois de collaborer avec ces structures, même si dans l'ensemble on est quand même relativement indépendant, hein, bien sûr. Et comme tu l'as dit, hein, ça fait que 5 ans qu'elle existe, oui. Même si le pavillon des créateurs est plus ancien. Est-ce que c'est une espèce de choix stratégique ou symbolique, le choix de ce pavillon des créateurs? Oui, je pense, parce qu'effectivement, on est quand même dans un cadre qui... d'ailleurs, là où c'est là-bas que va se passer la fête du livre, hein, dont je parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais effectivement, il y a quand même l'attrait du lieu. Déjà, on est quand même dans un environnement rural qui est extrêmement beau. Et c'est vrai que les auteurs qui vont venir apprécient énormément ce cadre. Et surtout, on est dans un lieu qui est chargé d'histoire, justement, avec la présence d'anciennes industries. Et un site qui a été réhabilité grâce au jardin, grâce au parc, grâce à toutes les personnes qui ont collaboré, justement, pour faire de ce site un endroit qui est très touristique et qui, depuis quelques années, a repris vie, en fait, en quelque sorte, et qui attire de plus en plus de monde. Et comme tu l'as dit, hein, les abonnements augmentent hein, au fil du temps. En tant que médiathèque, vous proposez plein de choses. Vous travaillez aussi avec du monde, j'imagine, aussi bien entendu avec les différentes écoles de la Comcom. Oui, tout à fait. Ouais. On travaille beaucoup avec les écoles de la vallée en fait, de Saint-Amarin, dans le cadre d'accueil de classe en fait, qu'on organise pendant la période scolaire. Hein. Donc on ne commence pas précisément en septembre, hein, on commence un petit peu après, mais en dehors de ça, on essaie d'établir d'autres partenariats, comme par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de la médiathèque départementale, dont le rôle c'est de chapeauter un peu toutes les bibliothèques du Haut-Rhin. Oui. Et donc on travaille régulièrement avec eux parce qu'ils nous proposent par exemple des animations, des fois des concerts, plein de festivals ou des choses comme ça. On travaille comme je disais avec les jardins et on travaille aussi avec le collège également. Enfin ça va se faire surtout cette année hein, avec le collège de Saint-Amarin, puisqu'on va faire on va tenir un prix qui s'appelle le prix Mangawa, donc comme son nom l'indique, autour du manga. Donc c'est la première année qu'on teste ça, donc et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux collégiens, et en plus on est en pleine année Japon actuellement, donc du coup c'est le moment ou jamais de se lancer dans le grand bain. En effet, c'est le moment ou jamais de se lancer dans le grand bain et de continuer à créer une dynamique. Hein, comme on le disait, exactement, on le voit déjà chez nous dans les Vosges, mais aussi la vallée de Saint-Armain est un petit peu enclavée, hein, coincée derrière Tannes et enclavée entre les montagnes. Comme un petit peu ici chez nous. Et je vois malgré tout, hein, les différentes structures et même la médiathèque de l'étoffe des mots, que je retienne le nom. Ah là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai que ouais, ils ont beaucoup réfléchi à, pour avoir un nom original et qui puisse justement dénoter le lieu. Ah bah, en tout cas, oui, il marque les esprits, j'en suis persuadée. Et comme je le disais, hein, c'est vraiment ça, de créer une dynamique, hein, une dynamique qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de désertification culturelle dans les vallées. Je suis persuadée que c'est le but. Hein, Exactement, ouais, bien sûr, d'apporter la culture à ceux qui... déjà, à des personnes qui malheureusement n'ont pas la possibilité de se déplacer, qui n'ont pas des personnes parfois âgées, qui ne peuvent plus conduire. Exactement, donc c'est vrai que comme dit, le fait qu'il y ait une médiathèque à proximité de ces personnes, c'est quand même un gros avantage. Et puis c'est aussi l'intérêt d'une médiathèque d'apporter la culture à tous les endroits possibles et de faire en sorte qu'on puisse et justement établir également un contact humain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça également, qui viennent dans une médiathèque pas simplement pour emprunter des livres, même si bien sûr c'est fait pour ça, hein, ou emprunter des films ou des CD, ce que tu veux, mais c'est aussi le contact humain en fait qui est recherché. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien discuter de littérature, discuter de musique, ils aiment bien aussi discuter avec nous, et voilà, ça leur fait aussi une sortie qui est très très agréable. Et je pense que c'est ça aussi que les gens recherchent en allant dans une médiathèque, c'est-à-dire un lieu voilà, ça leur permet un petit peu de sortir de chez eux. C'est pas non plus un lieu qui rappelle le travail également, donc on est à mi-chemin entre les deux, et justement c'est ce que les gens apprécient le plus chez nous, je pense, et dans toutes les médiathèques bien sûr. Oui, cet espace culturel dans lequel on peut, si on veut, apprendre, et on peut juste passer du temps au calme. Exactement. Dans lequel il se passe beaucoup de choses, et cette chose qui se passe, et que je répéterai bien entendu dans mon émission de demain soir, c'est la fête du livre qui a lieu le 30 septembre, qui en est à sa 20e édition, si je ne m'abuse. Mais oui, c'est 20 ans, donc à exactement, peu près 20e édition. Ouais, c'est ça, c'est la 20e. On fête les 20 ans cette année, tout à fait. Mais si j'ai bien compris, la médiathèque de l'étoffe des mots n'a que 5 ans d'existence. Est-ce que tu sais qui s'en était chargé avant ? Oui, alors tout à fait. Alors, c'est une histoire qui est effectivement donc 20e édition, mais au début, donc comme il n'y avait pas de médiathèque, c'est une association de bénévoles en fait, une association qui s'appelait, parce que maintenant formellement elle n'existe plus, c'est l'association Ouverture. Donc en fait il y a un jeu de mots entre ouvert et tur, THUR, donc la rivière, oui, qui passe à côté. Donc donc en fait c'était une association de bénévoles en fait qui ont lancé il y a 20 ans jour pour jour, hein, cette fête du livre qui maintenant a une certaine importance, hein, dans le paysage culturel local. Donc comme je disais tout à l'heure, l'association elle n'existe plus, mais par contre on a quand même un noyau de bénévoles en fait qui est toujours présent pour nous aider, et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est vrai qu'ils nous prêtent vraiment main forte. La médiathèque en telle, en fait, ça fait uniquement depuis 3 ans, oui c'est ça, 3 ans de maintenant qu'elle organise cet événement. Donc grâce à des subventions, hein, qui nous ont été données par l'occasion par la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin. Donc la médiathèque organise tout ça, et on travaille en partenariat avec des bénévoles qui vont surtout nous aider. Alors certains nous aident bien sûr tout au long de l'année, mais il y en a quand même beaucoup également qui nous aident le jour J pour, on va dire, gérer un peu la logistique, la gestion des places, des parkings, etc. Donc c'est vrai que c'est un lieu où il y aura quand même, je pense, pas mal de monde, hein, dimanche prochain, donc comme chaque année. Mais effectivement, c'est la médiathèque qui organise depuis peu. L'association, maintenant, n'existe plus. Mais ça ne l'empêche pas, d'après ce que j'ai compris, selon tes dires, que les bénévoles continuent d'aider à l'organisation et au fait que la journée se déroule bien. Oui, exactement, ouais, ils seront là, et c'est eux aussi également qui nous donnent des conseils pour qu'on puisse essayer d'améliorer tout ce qui n'allait pas les années d'avant, hein, justement de corriger certains défauts, et on essaie de faire en sorte que les auteurs puissent venir, se sentent à l'aise vraiment. Et c'est vrai qu'on a la chance, comme je disais tout à l'heure, d'être dans un endroit qui est comment dire, très chaleureux, très convivial. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la taille forcément de salon du livre comme à Colmar ou dans d'autres grandes villes où ils ont vraiment quelque chose de très important, mais où ça va se passer plus dans des bâtiments, on va dire, froids, on va dire, et où il y a peut-être moins de proximité avec les auteurs, justement, avec toutes les personnes qui seront invitées. Tandis que là, on se base vraiment sur l'attractivité du lieu, hein, et le fait que, voilà, je pense que le fait que ce soit un lieu chaleureux, ça permet aux gens, justement, de se sentir à l'aise et de créer une proximité avec tous les auteurs qui seront présents. Tu as parlé d'auteurs qui seront présents, on en parlera dans quelques instants, vu qu'en effet, qui dit fête du livre et organisation sur une journée dit programme. Et on va traiter de ce programme après la première pause musicale. Il s'agit d'un morceau de Dominique A, toute l'attitude hein, d'un album qui vient de sortir, c'est ça ? Oui, exactement. Donc c'est une année qui est très, très riche hein, pour Dominique A, puisqu'il va sortir donc, deux albums. Hein. Cette année, il en a déjà sorti un, et celui qu'on va écouter, et il va en sortir un autre dans pas très très longtemps, je crois. Et donc là, on va écouter un... donc c'est un dernier album qui pour moi et je trouve est très réussi où il justement il revient un peu à ses sources dans un style assez dépouillé, assez minimaliste mais avec cette voix toujours aussi agréable et des textes toujours très très bien écrits donc voilà, bonne écoute. En effet, bonne écoute pour toute l'attitude de l'album du même nom de Dominica et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. L'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer. Qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait? Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, oh, un jour plus rien ne meurt jamais, toute l'eau stagne dans le puits, on revient seul dans la forêt. Se mettre à l'abri, même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis. Et c'était toute l'attitude de Dominica de l'album du même nom. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loués. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez sans aucun problème nous appeler au 03 29 62 40 40. Nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gemozo. Ou pour les petits chanceux qui ont mon numéro de portable, vous pouvez m'envoyer un SMS. Comme je disais, la pause musicale qu'on a écoutée est un album qui se trouve, comme par hasard, à la médiathèque de... J'allais dire de Remiremont. Clermont, non. Là, ah j'ai non, un non, autre non, invité. C'est pas à côté, moi. C'est la médiathèque L'Étoffe des mots à Wesserlin. Donc, si vous voulez l'écouter, hein, il sera disponible là-bas. Et on est toujours avec Mathieu pour mettre en avant la fête du livre qui a lieu ce week-end et plus précisément dimanche. Et comme je disais avant la pause musicale, c'est peut-être le moment de parler des différents temps forts parce qu'il y a tout un programme. Donc, je pense qu'on va peut-être dans un premier temps dire en gros comment ça va se passer, peut-être détailler. Alors, est-ce que tu te sens de dire le programme aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je pense qu'on peut, découper, on va dire, la journée, pour dire ça grossièrement, en plusieurs temps forts. Alors, d'un côté, en fait, il y aura, au sein du pavillon des créateurs, c'est-à-dire l'endroit où va se dérouler la fête du livre, il y aura un espace qui est consacré aux exposants, c'est-à-dire vraiment aux auteurs, aux artistes qui vont venir, des écrivains, etc. Mais j'en parlerai en détail tout à l'heure. Il y aura également la présence de librairies, de maisons d'édition et d'associations également. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, en parallèle, il y aura un marché aux puces qui se tiendra juste à côté, en fait, hein, toujours au pavillon des créateurs, mais un petit peu à l'extérieur. Et il y aura une vente de livres d'occasion. Et par contre, le marché opus commence un peu plus tôt. Lui, il commence à partir de 9h, hein, en fait. Hein. Mais par contre, sinon, c'est 9h, 18h. Hein, pour la fête du livre, qui, elle, ça commence officiellement à partir de 10h. Et à côté de ça, troisième temps fort, si je puis dire, ce sont les animations, en fait. Donc ça, on en organise chaque année. Donc il y aura plusieurs animations qui seront présentées tout au long de la journée. Donc des animations variées, donc en rapport... Pour certaines d'entre elles avec la littérature, mais pas que, hein, justement. Donc il y aura par exemple des moments de lecture à voix haute pour des enfants, un spectacle de marionnettes pour les enfants, bien sûr, et aussi des ateliers, on va dire, bricolage, une exposition. Donc voilà, je pourrai en reparler tout à l'heure, hein, bien sûr. En effet, on en reparlera plus en détail, même tout de suite, hein, donc, comme tu l'as dit. Oui. Tout est organisé par la médiathèque. Non, tu m'as dit, le marché aux puces commence plus tôt. C'est un autre organisme qui gère ? Non, du tout. C'est vraiment la médiathèque qui s'occupe du marché aux puces, hein, bien sûr. Sauf que les gens aiment bien arriver tôt, justement, pour avoir justement de la place et pour leur permettre de vendre leurs livres, justement. Donc du coup, ils vont arriver... c'est pour ça que ça commence un peu plus tôt, mais sinon, c'est vraiment la médiathèque qui organise, hein, bien sûr. Et ce marché opus, il se trouvera où ? Sur le parking du pavillon des créateurs, pour ceux qui connaissent le secteur, bien sûr. Oui, alors effectivement, parce que c'est assez difficile à expliquer pour ceux qui connaissent pas, mais c'est juste à côté du pavillon. Hein. Dans tous les cas, sur le site, tout sera indiqué, hein, je veux dire, pour les gens qui arrivent de Tannes ou même qui viennent de plus loin, de Mulhouse ou autre, hein, tout sera indiqué. Donc vous prenez la direction Jardin de Wesserlin et ensuite après, il y a un grand bâtiment en bois qu'on peut voir qui est à côté d'un supermarché. Et donc c'est le pavillon des créateurs. Et donc là, de toute façon, il y aura déjà du monde, hein, très tôt, parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui s'installent pour le marché aux puces viennent tôt, donc ce sera forcément ici. Et tu as parlé des gens qui viennent d'Alsace, mais on pense aussi à nos auditeurs vosgiens. Donc pour ceux qui ne savent pas encore où se trouvent les jardins de Wesserlin, hein, vous passez le col de Bussan, c'est juste après Urbès, hein, c'est le village suivant, suivante, c'est Wesserlin. Et ce sera sur votre droite, parce que mademoiselle confond sa droite avec sa gauche, sur la droite, donc on voit, hein, c'est aisément indiqué, un supermarché et un grand bâtiment en bois, comme tu le disais, comme ça. Et ce sera organisé ici. Donc ouais. De toute façon, c'est juste à côté des jardins, juste à côté des jardins de Wesserlin. Donc à partir du moment où on les voit, on n'est pas loin. Et tant qu'à faire, tant que j'y pense, hein, on a parlé de 20 ans qu'elle existe. Donc tu sais qui l'a créée, hein, c'est une association de bénévoles qu'on remercie d'ailleurs pour avoir créé cet événement. Est-ce que tu sais un petit peu quel est le but de cette fête? Est-ce que c'est pour mettre en avant le livre, pour créer un petit salon du livre local, pour... oui, pourquoi? Est-ce que tu le sais? Justement, je pense qu'on peut dire... l'objectif, c'est forcément déjà dans un premier temps de créer un petit événement local, effectivement. Alors maintenant, c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur. Hein. On a quand même et on est ravis, on a de plus en plus de monde, de plus en plus d'auteurs qui veulent venir. Et effectivement, l'idée, c'est de créer un petit salon du livre local, déjà pour permettre aux gens justement de profiter de l'attractivité du lieu. mais aussi pour, comme dit, je pense que c'est important d'avoir des salons locaux comme ça, de cette taille-là, parce que ça permet justement à des gens qui se lancent dans l'édition, qui se lancent dans la littérature ou autre, de se faire connaître justement. Et ça, c'est un très bon moyen pour eux de se faire connaître. Et on a des gens d'ailleurs qui nous ont soutenus, hein, donc on les remercie beaucoup, parce que sans eux, peut-être que la fête du livre n'existerait pas. Hein, donc en plus des bénévoles, bien sûr, que je tiens à remercier tout particulièrement ce soir. Et mis à part ça, effectivement, oui, l'idée, c'est de faire en sorte que des gens qui sont très peu connus puissent se faire connaître, justement. Par exemple, on a une personne qui a exposé chez nous, en fait. Donc, bon, je dis son nom, elle n'est pas encore très connue, mais j'espère vraiment qu'elle sera par la suite. Donc, c'est Iwona Barzazi. Donc, c'est une dame, en fait, qui a exposé dans la médiathèque, qui fait des dessins pour enfants. Et justement, par le biais de cette fête du livre, ça lui a permis de rencontrer justement un auteur de livres pour la jeunesse et qui lui a proposé d'illustrer son prochain album. Donc pour elle, en quelque sorte, c'est un peu, on va dire, un rêve qui se réalise. Et voilà, donc ça permet des rencontres justement et de faire en sorte que même, c'est pas parce que ce n'est pas très connu que c'est forcément moins bien. Hein. Donc justement, il y a des gens qui ont d'excellentes choses à proposer et du coup, c'est l'intérêt de cet événement local. En effet, on l'a déjà bien vu dans notre radio et bien ailleurs que c'est possible de trouver des pépites auprès de personnes tout à fait inconnues du grand public. Après tout, c'est bien ça. C'est tellement beau, les découvertes de nouvelles personnes, de nouveaux univers, de nouveaux horizons. Et en parlant de nouveaux horizons, hein, c'est aussi, comme tu l'as dit, un temps de rencontre. Un temps de rencontre avec des libraires, des maisons d'édition, des auteurs et des artistes. Alors, comme c'est une espèce de petit salon du livre, je voudrais peut-être d'abord qu'on parle des auteurs. Oui. Qui viendra à la fête du livre ? Alors, ben, parmi ceux qui viendront, alors déjà, avant de donner quelques noms, j'aimerais quand même préciser que du coup, ce qui va se passer pendant cette fête du livre, c'est que, alors certes, c'est le livre, mais sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas que du roman, ça va être par exemple de la littérature de terroir, hein, des Alsatiques. Ça va être également de la littérature pour la jeunesse, des albums, de la bande dessinée, des documentaires, du roman policier. Donc, c'est vraiment le livre sous toutes ses formes, à la fois pour des adultes, mais aussi pour les enfants, comme je disais, hein, puisqu'il y aura aussi une partie un peu plus littérature jeunesse. Le livre sera présent sous neuf, c'est-à-dire les gens pourront l'acheter neuf, mais aussi sous forme d'occasion, hein. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le marché opus. Et parmi les auteurs et les artistes qui viennent, alors on a des personnes qui nous sont fidèles, hein, qui nous soutiennent depuis des années, qui viennent chaque année, donc qui commencent à être quand même assez connus, hein, dans le coin, parce qu'ils ont déjà publié plusieurs fois. Donc je pense par exemple à Alexandre Chardin, en fait, qui maintenant est très connu dans la vallée de Saint-Amarin et même à Mulhouse, hein, parce qu'il fait vraiment des romans jeunesse d'excellente qualité. Donc il est professeur de français, sinon à côté de ça, hein, il fait pas ça à plein temps, mais maintenant c'est quelqu'un qui devient de plus en plus reconnu et qui donc sera présent. Et parmi les autres auteurs fidèles qui viennent chaque année, on a Jean-Marie Bobenrit, par exemple, qui fait plus, lui, de l'histoire locale. On a Eban. Alors Eban, lui, c'est un petit peu différent. On en revient, comme je disais tout à l'heure, à la variété des supports disponibles. Donc, alors, il n'est pas vraiment nouveau. Il était déjà venu il y a quelques années. Mais il revient cette année, en fait. Et lui, il fait, par exemple, des aquarelles, en fait, où il va faire en sorte que les mondes végétaux et minéraux vont se rencontrer, en fait. Donc, c'est... Donc un peu plus dans le domaine de l'art. Hein. Sinon, on a parmi les habitués Bernard Fischbach, Anne-Marie Wimmer, qui elle fait un travail extrêmement varié. Jean-Marie Storkel également, Pat Thibault, qui met en image l'imaginaire alsacien. Michel Noroy, qui fait des livres de cuisine. Donc on pourrait bien entendu agrandir la liste, hein, mais là j'en ai cité déjà pas mal. Donc au total, comme je disais, il y en aura quand même une centaine. Hein, et... Parmi les nouveaux qui vont venir, donc je vais quand même en citer quelques-uns, hein, parce que c'est important. Donc on a René Claudel, un photographe, hein, qui va venir pour la première fois cette année. Daniel Lengauer, donc c'est une personne, en fait, qui fait des romans policiers qui ne se situent pas en Alsace, hein, donc c'est pas, on va dire, des romans du terroir, si je puis dire, ce qui est pour le coup assez original. Hein, donc ensuite on aura également la présence de Christian Pelletier, donc lui c'est un petit peu à part parce qu'il fait de la bande dessinée, il est dessinateur de BD. Et il s'est fait connaître à travers deux séries qui s'appellent Nuages et Mirabel. Donc, qui sont des séries de bandes dessinées plutôt pour la jeunesse. Et c'est vrai que dans son travail, on va retrouver son inspiration pour les différents voyages qu'il a pu faire en Afrique, au Mali, au Sénégal. Et donc c'est quelque chose qui imprègne vraiment son œuvre. Voilà, on aura plein d'invités. Et de toute façon, la liste entière peut être consultée sur notre site internet. Hein. Site internet qu'on peut peut-être déjà indiquer aux auditeurs, donc c'est www.mediatek-valmarin.fr, je me trompe pas? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ou alors vous tapez sur Google Mediatek et TofDemo, vous tombez directement dessus. Hein, donc c'est... Et effectivement, sur cette page, vous pouvez retrouver, on a mis sur la page d'accueil en fait un lien où si les gens cliquent dessus, ils pourront retrouver l'intégralité du programme, les différentes animations, la liste des exposants, etc. En effet, donc il va y en avoir du monde à cette fête du livre qui d'ailleurs va durer toute la journée, donc de 10h à 18h environ, oui. Sans compter que le marché opus commencera un petit peu plus tôt. On continuera un petit peu à parler des différents temps forts après la pause musicale suivante. Cette fois, c'est un morceau du groupe Orchestra Akokan, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Alors effectivement, bon, je n'ai pas forcément un très bon accent espagnol, donc je vais éviter de prononcer moi aussi. Mais en fait, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup la musique du monde. Hein, et donc là, on est. Même si c'est un album qui est très récent, qui est sorti, je crois, il y a un ou deux mois. Et mais c'est un album qui se veut rétro au niveau du son. Hein, c'est du mambo cubain en fait. Hein, donc un album qui a été enregistré à La Havane. Et donc où on retrouve justement une musique rétro, mais extrêmement chaleureuse. Et ça fait du bien aux oreilles. En effet. Et on va se faire du bien aux oreilles tout de suite en écoutant ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. ¡Gracias! Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez écouté à l'instant le morceau La Cosa, que je n'avais pas annoncé, du groupe Orchestra à Cocagne, qui se trouve d'ailleurs toujours à la médiathèque de Westerlin, la médiathèque de l'Étoffe des Mots, vu que Mathieu est toujours là pour la fête du livre. Et comme je le disais, pour les auditeurs qui ont envie d'interagir avec nous, hein, n'hésitez pas une seconde, excusez-moi, je m'en mets les pinceaux, à nous contacter donc par téléphone au 03 29 62 40 40, à nous envoyer un message sur notre page Facebook ou à m'envoyer un petit SMS pour les chanceux qui ont mon numéro. Par contre, c'est pas la peine de m'appeler sur mon portable, hein, je décrocherai pas, ça tombe sous le sens. Et donc, je disais, Mathieu, hein, on est toujours en train de mettre en avant les différents temps forts de cette fête du livre pour vraiment donner envie aux auditeurs de venir, même si je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Tu as dit un petit peu plus tôt que c'était pas juste une fête du livre consacrée au livre dans sa forme pure et dure, simple, mais bien au-delà. En effet, je vois déjà qu'il y a une grosse partie de l'après-midi, un atelier qui s'appelle « Redonner vie au livre ». Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, on a tout un programme d'animation, hein, comme les années passées d'ailleurs. Et là, c'est la deuxième année où on va faire un atelier qui porte ce nom-là. Donc en fait, l'idée, c'est de... Donc on a de la chance d'avoir chez nous une collègue qui est très très manuelle, très bricoleuse. Et donc c'est elle qui va animer cet atelier. Donc en fait, plutôt que de... parce que c'est vrai qu'il y a des fois pas mal de gens qui veulent carrément... Je parle vraiment dans des cas précis où les livres sont abîmés, où les pages sont jaunies, où ça sent pas toujours très bon tellement qu'ils sont vieux. Et bah, plutôt que de les jeter, nous on propose justement d'en faire de la récupération, si je puis dire, en les pliant en fait. Donc c'est vrai que là, dit comme ça paraît un peu abstrait, on va dire, mais l'idée, c'est de prendre un livre et de plier les différentes pages et ensuite de le décorer. Donc on peut faire différentes figurines, on peut faire par exemple une poule avec, on peut faire un hérisson, on peut faire énormément de choses, hein, donc on peut voir ça sur internet, hein, ça se démocratise de plus en plus, et donc du coup il y a ma collègue qui sera là pour animer cet atelier, tout public en fait, hein, parce que l'année dernière ça avait énormément marché, et puisque les gens avaient adoré le principe de prendre des vieux livres qui de toute façon ils auraient parfois malheureusement jetés, et pour en leur redonner une seconde vie en fait, d'une façon dont on s'attendait pas à la base. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est de faire des petits personnages avec, et ensuite on peut les décorer, leur mettre des petits yeux dessus, des choses comme ça. Donc ensuite c'est libre cours à la créativité de chacun. Oui, pour redonner vie à un livre et en faire autre chose qu'un simple moyen de s'évader. Hein. Ça peut être un objet de déco, comme tu parlais, de livres pliés, avec aussi, comme tu le disais, plier des pages. Ça, j'ai vu aussi sur Internet, j'imagine que les auditeurs connaissent peut-être un petit peu, plier les pages pour, une fois que le livre est en quelque sorte refermé, ça fasse apparaître un motif. Ça, tout à fait. Je crois qu'il y a des ateliers dans le secteur près de chez nous. Il me semble qu'il y a un atelier de livres pliés aussi dans le pavillon des créateurs, je me trompe ? Alors en fait, il y a quelque temps, maintenant la boutique n'est plus là malheureusement, mais effectivement il y a eu une personne en fait qui, ça allait encore plus loin, parce que nous on fait juste entre guillemets du pliage, même si en fait ça prend beaucoup de temps et ça demande quand même une certaine précision. Mais en fait oui, il existe des gens en fait qui font même de la gravure de livres en fait, donc c'est ultra précis en fait, là c'est un travail colossal, hein. Et rares sont les personnes qui font ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui viennent avec leur livre et qui disent à la personne, gravez-moi le visage de de Johnny dessus. Je prends un exemple au pif, hein, même si ça s'est déjà fait, hein, j'en doute pas. Et donc on peut effectivement, grâce à un cutter et avec beaucoup beaucoup de patience et de précision, créer un livre de cette façon-là. Mmh. Pour redonner vie autrement à un livre. Et il y a d'autres événements, bien entendu. D'ailleurs, ça va de soi, mais c'est un événement tout public pour les enfants de 3 à 99 ans et encore. C'est ça. Tout le monde pourra venir, hein, pour cet atelier. Alors, d'ailleurs, je tiens également à préciser que je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais les gens se poseront forcément la question. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit. L'entrée à la fête du livre, c'est entièrement gratuit. Les animations sont gratuites également. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et effectivement, cet atelier de pliage, vu qu'on parlait de ça, donc c'est tout public. Hein. Alors bon, c'est vrai que pour les petits, ceux qui ont 3 ans, c'est peut-être un peu compliqué, mais à partir de 6 ans, 7 ans, ça ne posera aucun problème. En effet, et comme on le disait, hein, il y a vraiment des ateliers pour tout le monde. Et il y a un autre atelier aussi, on va dire dans le même temps que Redonner vie au livre. C'est de 14h30 à 17h30. De toute façon, les plannings, hein, c'est sur le site internet pardon, de la médiathèque. Il y a aussi ce qui s'appelle le parcours cirque. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, c'est une compagnie qui s'appelle La Boîte à Cirque et qui proposera donc à partir de 14h30 jusqu'à 17h30. Alors ça durera pas 3... Enfin, disons qu'eux, ils seront là, cette compagnie sera présente pendant 3 heures, mais les gens pourront venir et rester le temps dont ils disposent. Hein. Ça peut être une demi-heure, une heure. Et en fait, c'est un atelier d'initiation au cirque, en fait. Donc là, je pense que ça plaira pas mal justement aux familles qui vont venir. Hein. Donc l'idée, c'est de s'initier à différentes techniques, le jonglage... le fil d'équilibre, le monocycle, donc ça c'est la première année où on va tester ce genre d'animation, donc on a hâte de voir ce que ça va donner, ouais. Donc une animation peut-être un petit peu plus sportive, donc au exactement, cas où, ouais. Hein, prévoyez plutôt des baskets et des pantalons bien plutôt que des crinolines, oui, on va dire ça mieux. Comme ça. Et y en a d'autres, des ateliers. Il y a aussi, j'ai vu, il y a des lectures à voix haute d'histoire. Exactement. Alors en fait, il y aura plusieurs moments de lecture à voix haute. C'est une animation qui est assurée par une association dont je voudrais un tout petit peu parler. En fait, c'est une association qui existe à l'échelle nationale. Hein. Elle s'appelle Lire et Faire Lire. Et ils ont vraiment un rôle qui est très très important auprès de la lecture actuellement, puisque leur rôle, ça va être de promouvoir la lecture sous la forme de rencontres intergénérationnelles, en fait. Donc par exemple entre des adultes et des enfants, etc. Et donc c'est une association pardon, qui existe au niveau national, mais nous on fait régulièrement appel à eux, en fait. Ce sont des bénévoles généralement qui travaillent pour cette association, et ces bénévoles vont venir donc le jour de la fête du livre pour organiser des moments de lecture à voix haute. Alors généralement ça s'appelait toujours, hein, justement pourquoi, pour plusieurs raisons, parce que c'est toujours sympa pour les enfants d'écouter une histoire. En plus ça dure quand même ça dure pas très très longtemps, ça leur permet de faire une pause, de distraire un peu. Donc il y aura plusieurs moments. Alors le premier, si je me souviens bien, c'est à partir de 11h. Ensuite il y en aura un second à 15h45, et le dernier aura lieu à 16h30, et ça devrait durer à peu près, il faut compter 20 minutes, une demi-heure grand max, hein, pour ces petites animations. Donc ça c'est pour ces petites animations. Je crois qu'on a fait le tour de presque toutes, s'il y en a une dont j'ai pas parlé en voyant un petit peu le programme, parce qu'il faut bien que je l'ai sous les yeux. C'est l'animation La Petite Poule qui voulait voir la mer. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors en fait c'est une... Donc c'est vrai que l'année dernière on avait... Là pour le coup c'est vraiment un spectacle jeunesse, hein, d'assez grande envergure si je puis dire. On avait aussi fait ça l'année dernière. Donc c'est une compagnie qui s'appelle la compagnie Rive de Rêve. Qui va venir, en fait, qui est dirigée par Annick Frey. Donc Annick Frey, en fait, elle est marionnettiste, et du coup l'originalité de son spectacle, c'est qu'elle mélange français et alsacien. Donc faut pas non plus avoir peur, hein, vu que c'est adapté pour des enfants, voilà, l'alsacien c'est juste pour le clin d'œil, hein, et je pense que ça plaira justement aux adultes s'il y a justement des dialogues en alsacien. Et donc l'intitulé de cette animation, c'est La Petite Poule qui voulait voir la mer. Et en fait c'est un spectacle qui est adapté d'après le livre de Christian Heinrich et Christian Jolibois, en fait. Les Petites Poules, en fait, c'est une série d'albums jeunesse, en fait, qui cartonnent dans, bon, c'est très connu, hein, à l'échelle nationale, hein, et ça cartonne énormément, et je pense que ça plaira aux enfants, à mon avis, qui veulent redécouvrir l'univers des Petites Poules sous une forme un peu différente grâce à cette compagnie. Et ce sera à partir de 15h, c'est à partir de 4 ans, et là par contre, autant les autres animations, c'est pas forcément la peine de réserver, autant là, vu que ça se déroulera dans la salle d'animation de la médiathèque, je conseille vraiment aux gens, s'ils sont intéressés, d'appeler ou de nous envoyer un mail pour réserver, parce qu'en fait, ben, les capacités d'accueil sont parfois un peu restreintes, et bon, on peut quand même accueillir jusqu'à 40 personnes, mais on sait pas, ça peut vite être rempli. En effet, et dis-moi, quels sont, donc tu as dit par mail et par téléphone, tu peux peut-être donner aux auditeurs les coordonnées qu'on rappellera en fin d'émission ? Oui, tout à fait. Alors pour appeler la médiathèque, donc c'est le 03 89 39 64 00. Hein. Et sinon pour le mail, donc ça va être contact, donc contact @médiathèque au singulier, -6, valamarin, donc valamarin.fr. Donc contact @médiathèque-6, valamarin.fr. Et c'est sur cette info qu'on va passer à la probablement dernière pause musicale de notre émission, un morceau de Big Star intitulé In the Street. Cette fois, on fait un petit bond en arrière dans le temps, c'est ça ? Oui, alors effectivement, c'est un groupe qui est ancien, qui date des années 70, qui n'est pas forcément très très connu auprès du grand public, mais qui a eu une influence énorme sur d'autres groupes qui, eux, sont bien plus connus, comme par exemple REM, hein, et ils font un peu de la pop dans le genre des Beatles, même si c'est au final très varié, hein. Le morceau qu'on va écouter, il est quand même assez rock, hein, et c'est un groupe qui n'existe plus actuellement, mais qui, comme dit, beaucoup d'artistes majeurs de la scène rock actuelle les revendiquent comme étant une influence majeure. Donc on a hâte de se découvrir ça, donc on l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Retour sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez à l'instant écouté le morceau In the Street de Big Star, qui se trouve aussi encore et toujours dans la médiathèque de Saint-Amarin, la médiathèque de l'Étoffe des Mots. Et si vous voulez toujours interagir avec nous, n'hésitez pas sans aucun problème. Bon, par contre, de préférence en direct, donc jusqu'à 19h ce soir, 27 septembre, oui, je regarde la date. Sinon, bon, demain matin, c'est pas la peine d'appeler. Mais vous pouvez toujours nous contacter donc au 03 29 62 40 40 ou sur notre page Facebook. Ou si vous voulez des infos a posteriori, n'hésitez pas, plutôt sur la page Facebook, ce sera plus simple pour que je vous réponde. On est toujours avec Mathieu de la médiathèque de l'Étoffe des Mots pour la fête du livre qui a lieu, je ne sais pas si je l'ai assez répété, le dimanche 30 septembre à partir de 9h au pavillon des créateurs, donc aux alentours de la médiathèque de Vesserlin. Ça y est, j'ai c'est encore ça. Failli me tromper. On dit bien Vesserlin, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui disent Vesserlin, mais on dit bien Vesserlin, sinon. Non, j'ai surtout failli dire Remiremont. Ah. Bah forcément, hein, logique, hein, on connaît les voisins mieux que ceux qui sont plus loin. Mais pourtant, hein, la médiathèque de Vesserlin a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Et bon, on a déjà fait une grosse partie du programme qui se trouve, je le rappellerai encore, sur le site www.mediathèque-valamarin.fr. Donc, VALAMARIN.fr, je crois que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bien ça, ouais. Mais avant toute chose, c'est vrai que c'est une fête qui dure toute la journée. Il y a des temps forts, il y a peut-être des temps forts qui vont plus ou moins intéresser des auditeurs. S'ils ont envie de passer la journée dans le coin sans pour autant attendre dans un coin, est-ce qu'ils ont des comment dire, est-ce qu'il y a une possibilité de s'occuper à proximité autrement? Oui, alors bien sûr, c'est un site qui est très très riche, en effet. Donc en plus, j'ai regardé, je croise les doigts, hein, j'espère qu'il fera beau. Apparemment, oui, ils ont annoncé beau temps. Donc au-delà du fait que c'est culturellement, il y a beaucoup de choses à faire, les gens pourront aussi se promener dans le coin parce que c'est vraiment un coin qui est très très chouette. Hein. Et sinon, mis à part ça, ben, comme dit, la fête du livre se déroule juste à côté des jardins de Vesserlin. Donc il y a un endroit touristique qui est très très connu. Hein, et donc ils sont encore ouverts. Donc ils seront ouverts précisément jusqu'au 14 octobre. Donc il n'est pas encore trop tard pour y aller. Hein. Oui, pour la fête des jardins métissés qui n'est pas encore terminée. Exactement. Encore rappelé dans l'émission du vendredi. Je te laisse continuer. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Donc en fait, effectivement, j'ai pas précisé que c'était le festival des jardins métissés, hein, donc qui a lieu chaque année. Et donc pour l'occasion, donc dimanche prochain, le 30 septembre, ben, les jardins seront également ouverts donc pour ben, toute la journée, hein, de 10h à 18h. Donc les gens pourront très bien venir, par exemple, venir nous voir le matin, faire un petit tour, et pourquoi pas aller visiter les jardins qui sont juste à côté ou inversement. Hein. Et surtout que là, les jardins cette année, donc on est autour d'une thématique japonisante, si je puis dire. Oui. Donc le titre de la thématique a été retenu, c'est Aventure dans les jardins du soleil levant. Donc c'est l'occasion justement de visiter les jardins sous un aspect japonais. Donc moi j'ai eu l'occasion de les voir, ils sont effectivement très chouettes et il y a un gros effort de décoration qui a été fait. Hein. On se croirait vraiment dans un jardin à la japonaise. Et mis à part ça, donc il y a la possibilité de visiter les jardins. Il y aura des visites guidées, bien sûr, qui sont organisées à 11h30 et à 15h. Et le même jour, donc toujours le 30 septembre, il y aura un concert de musique dans les jardins, donc à partir de 15h. Et bien sûr, après, les gens pourront toujours visiter le musée textile, qui lui est juste à côté des jardins, donc il est en face, hein, on peut pas le rater. Et la Grande Chaufferie, en fait, qui est un immense bâtiment qui a été réhabilité, justement, hein, pour qu'on puisse le visiter, qui se situe lui aussi juste en face des jardins. Donc les gens pourront visiter, faire les trois, hein, c'est-à-dire à la fois faire les jardins, le musée textile, la Grande Chaufferie, et profiter de la météo qui, je l'espère, sera bonne. Et voilà. Et d'ailleurs, comme tu le disais, donc, l'entrée pour cette fête du livre est gratuite. Toutefois, après, le parc de Vesserlin, c'est encore, on va dire, autre chose, même si ça se trouve juste à côté. Mais je le dis tout de suite, donc l'entrée pour les adultes c'est de 9,50€, pour les enfants de 6 à 18 ans ou les étudiants c'est 5€ et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Vous pouvez vous dire 9,50€, c'est peut-être pas rien, mais ça donne accès au jardin, au musée. Exactement, et à c'est la un grande multipass. Hein, donc voilà, c'est toujours pour, comment dire, pour le festival des jardins métissés, si je ne m'abuse. Enfin voilà, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires concernant le parc de Vesserlin. D'ailleurs, dis-moi, vous travaillez d'habitude aussi avec le parc de Vesserlin pour des événements divers et variés. Alors oui, bien sûr, alors c'est surtout, on essaie de bien sûr de relayer les différentes informations par rapport aux événements qui s'y passent. Ensuite, mis à part ça, c'est vrai que cette année, par exemple, ben, comme dit, hein, les gens peuvent encore visiter la thématique aventure dans les jardins du soleil levant, donc une thématique autour du Japon. Et nous, cet été, ben, on a fait tout un programme d'animation à la médiathèque en rapport avec le Japon. Hein. Donc il y avait pas mal d'animations qui étaient organisées. Par exemple, il y avait un atelier origami, une exposition et un atelier d'initiation à la calligraphie japonaise, hein, qu'on appelle donc le Shodo. On a fait des projections de films, etc. Donc l'idée, c'est pour nous, c'est aussi de s'aligner avec cette thématique, surtout qu'avec la thématique du Japon, on peut faire énormément de choses et être extrêmement créatif à ce niveau-là. Donc comme dit, l'idée, c'était vraiment de s'aligner, d'être en parallèle avec les animations qui sont faites dans les jardins. Mais après, pour la fête du livre, le parc n'a, comment dire, il n'y a pas spécialement de lien entre vous pour ça, la fête du livre précisément. Pour la fête du livre, non, effectivement. Donc forcément, les jardins seront ouverts parce que l'idée, c'est que vraiment que les gens puissent venir pour faire les deux, pour à la fois venir à la fête du livre et au jardin. Mais sinon, nous, on fonctionne vraiment de façon autonome hein, pour la fête du livre. Donc ils vont nous aider pour tout ce qui est communication, mais mis à part ça, on a quand même un fonctionnement relativement autonome. Comme vous parliez d'autonomie ou de fonctionnement autonome, vous avez quand même besoin d'aide, enfin je parle de vous, je parle de la médiathèque bien entendu, pour l'organisation de cet événement. T'as dit, il y a quand même une bonne centaine d'invités, oui, ça en fait du monde. Ça en fait du monde, effectivement. Donc l'année dernière c'était pareil, hein, on était à peu près à environ une centaine. Hein. Donc ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y en a, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux venus, comme chaque année bien sûr, il y a des anciens. Et on a également la présence chaque année de, donc ça c'est important de le préciser aussi je pense, hein, donc je le rajoute vu que c'est possible, on a la présence de maisons d'édition, de librairies en fait qui seront présents pendant toute la journée. Donc parmi les librairies en fait qui seront là, on a la librairie 47 degrés nord en fait qui se situe sur Mulhouse, donc qui est une librairie qui est extrêmement dynamique et qui nous fait la joie de venir chaque année hein. Ils sont très très fidèles et donc là ils seront là avec aussi leurs propres auteurs hein, puisque eux accueillent des auteurs par la même occasion pour faire des dédicaces. Et sinon ils auront bien entendu un stand de livres, on est en pleine rentrée littéraire, donc c'est justement l'occasion de visiter une librairie en fait qui sera présente sur place. On a également une librairie de Belfort, la librairie du Chaborgne également, qui sera présente, la librairie Graffiti sur Mulhouse. On aura diverses maisons d'édition également qui seront là. Par exemple, on aura les Dom Éditions, le Cosmographe, les éditions du Jardin des Mots. Et je vais pas toutes les lister, hein, comme dit, tout est indiqué sur le programme. Et on aura par exemple la maison d'édition Iseki Nisho, hein, qui fait donc pas mal de travaux autour du Japon. Et on aura également la présence d'une curiosité. Alors ça, j'aimerais quand même en parler parce que c'est vrai qu'il était là l'année dernière aussi. Ça avait bien plu aux gens en fait. Donc c'est une librairie itinérante en fait qui s'appelle Au vrai chic littéraire. Donc en fait, c'est un monsieur qui a sa propre librairie, qui se déplace en roulotte en fait, un peu sur le principe des tiny house. Hein, donc c'est ces maisons ambulantes comme ça. Et donc il sera présent sur le site donc pour une vente de livres d'occasion. Et ça, les gens avaient trouvé ça très original pour les coups, parce qu'ils n'avaient jamais vu une librairie comme ça ambulante dans une roulotte. Après, comme tous les gens pourront voir l'ensemble des invités parmi les librairies, parmi les maisons d'édition sur notre site internet. En effet, et tu as aussi parlé d'invités qu'il est peut-être important de mettre en avant, si je ne me trompe pas, l'association Lire et Faire Lire. Tu as dit que c'est quand même une association d'envergure nationale. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à ce sujet ? Donc c'est une association en fait, qui travaille avec beaucoup de bénévoles en fait. Et donc l'objectif de cette association, c'est d'œuvrer pour le partage du goût de la lecture dans des rencontres intergénérationnelles. Donc nous, on a l'habitude de recevoir cette association. Donc là, ils seront là donc pour la fête du livre à plusieurs moments dans la journée. Mais ils viennent aussi régulièrement pendant l'année à la médiathèque en fait, pour faire des moments de lecture. Et oui, c'est une association qui est très présente et beaucoup de médiathèques font appel à eux. Donc ce sera l'occasion aussi de les rencontrer, eux et les différents invités. Et par contre, s'il y a quelque chose que ça me tient vraiment à cœur de mettre en avant, c'est, si je ne m'abuse, les nombreux bénévoles qui seront là aussi pour vous aider, pour l'organisation. Ils seront combien ? Alors parmi les bénévoles qui nous aident tout au long de l'année, je dirais qu'il y en a vraiment... Ouais, à peu près 4-5 qui nous aident vraiment tout au long de l'année. Ensuite, le jour J, donc le jour de la manifestation, comme il faut beaucoup de monde, beaucoup de bras pour nous aider à coordonner un peu l'organisation de l'ensemble, hein, c'est-à-dire l'emplacement des parkings, guider les gens, installer les auteurs. Donc là, je pense qu'il y aura à peu près une dizaine de bénévoles en fait, qui seront présents, pas forcément pour toute la journée, mais qui viendront ponctuellement nous aider pour des temps bien précis. En effet, et on en profite pour les remercier de leur donner donc big up à vous, les différents bénévoles, que ce sera aussi, je pense, possible de discuter avec vous pour cette fête du livre hein, qui se trouve à l'étoffe des mots, la médiathèque de Wesserlin, qui se trouve à proximité du parc au pavillon des créateurs. Ça y est, le nom m'est revenu. Exactement, et j'en profite aussi pour rajouter qu'il y aura la possibilité de se restaurer sur place. Hein, les gens qui veulent venir pour la journée, c'est possible, hein, bien sûr. Il y aura la possibilité de manger au pavillon des créateurs, mais si les gens veulent vraiment s'installer dans un restaurant, il y a des brasseries qui sont pas loin, donc c'est pas ça qui manque. Hein, en face des jardins, il y a pas mal de choses. Toutes les boutiques également qui sont présentes dans le pavillon des créateurs seront ouvertes par la même occasion. Comme dit, hein, c'est un lieu qui est extrêmement vivant, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, bien sûr, et on a la chance d'avoir d'autres boutiques qui sont ouvertes à côté. Donc il y a par exemple une boutique de bijoux, une boutique de vêtements, un chocolatier comme je disais tout à l'heure, une dame aussi qui restaure des meubles. Donc je vous invite vraiment à vous arrêter dans cet endroit qui a beaucoup de charme, qui plaît beaucoup à tous les intervenants, et qui fait que la fête du livre, c'est aussi un moment qui se veut convivial et où on a justement volontairement choisi un milieu réhabilité pour favoriser cette convivialité. Et c'est sur ces mots qu'on va tout doucement s'arrêter pour cette belle journée où tout est prévu pour la passer en toute sérénité. Et avant qu'on se dise au revoir, vu que, je pense qu'on indiquera les sites juste après. Donc, on se retrouve... quelle est la prochaine émission? Ça y est, j'ai retrouvé le fil, ça c'est la reprise, hein, ça arrive. Donc, la prochaine émission, c'est à 20h, c'est Jukebox, suivi à 23h de Rock à la Casbah. Et on se retrouve demain matin de 7h à 8h. Pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo et sur notre site internet radioguémozo.eu, émission et rediffusion, rubrique L'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone et peu importe le système d'exploitation, les dieux, ça fonctionne. Et suivi, donc je disais, vendredi, de la chronique de Mathilde et enfin de la matinale de Marion qui vous racontera la journée à venir. Et enfin, on se retrouvera demain matin de 18h à 19h pour l'émission du vendredi. Et qui dit vendredi dit billet de sortie. Au moins, voilà, j'ai fait toute la programmation, comme ça les auditeurs savent comment ça va se passer. Et pour la fête du livre, on en reparlera encore une fois demain, comme c'est le billet de sortie qui en est dédié. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup pour toutes tes merci informations. Merci de m'avoir invité, en tout cas, c'était un plaisir. Et je rappelle aussi, comme c'est la fin de l'émission, les différentes informations, donc horaires d'ouverture en temps normal et tout ce qui va avec, sont sur le site www.mediathèque-valmarin.fr, et la médiathèque qui sera d'ailleurs indiquée qui sera taguée sur le podcast de l'émission sur Facebook. Oui, parce qu'on a une page Facebook, hein, donc où justement les gens pourront retrouver de plus amples informations sur les différentes animations, pourront retrouver des articles sur la fête du livre, donc si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre page et pourquoi pas vous abonner. Hein. En effet, et comme je lisais, hein, toutes les informations, tous les sites seront transmis tant sur la page Facebook que sur le site internet pour que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, bonjour, merci beaucoup de votre attention, chers auditeurs. Je te remercie aussi beaucoup, merci Mathieu, beaucoup. Pour ton merci. Temps et ta bonne humeur. Et on se retrouve dans ce cas demain, même heure. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.